Charles-Augustin, Sainte-Beuve. Les rayons jaunes. Les dimanches d'été, le soir, vers les 6 heures, quand le peuple empressé déserte ses demeures et va s'ébattre aux champs, ma persienne fermée, assis à ma fenêtre, je regarde d'en haut passer et disparaître joyeux bourgeois, marchands, ouvriers en habits de fête, au cœur plein d'aise. Un livre est entr'ouvert, près de moi, sur ma chaise. Je lis, ou fais semblant. Et les jaunes rayons que le couchant ramène, plus jaunes ce soir-là que pendant la semaine, teignent mon rideau blanc. J'aime aller voir percer vitres et jalousies. Chaque oblique sillon trace à ma fantaisie un flot d'atomes d'or. Puis, m'arrivant dans l'âme à travers la prunelle, ils redorent aussi 1000 pensées en elles, 1000 atomes encore. Ce sont des jours confus dont reparaît la trame, des souvenirs d'enfance aussi doux à notre âme qu'en rêve d'avenir. C'était à pareille heure, oh, je me le rappelle, qu'après vêpres, enfant, au cœur de la chapelle, on nous faisait venir. La lampe brûlait jaune, et jaune aussi les cierges, et la lueur glissant au front voilé des vierges jaunissait leur blancheur. Et le prêtre vêtu de son étole blanche courbait un front jauni comme un épi qui penche sous la faux du faucheur. Oh, qui dans une église, à genoux sur la pierre, n'a bien souvent, le soir, déposé sa prière comme un grain pur de sel? Qui n'a du crucifix baisé le jaune ivoire? Qui n'a de l'homme Dieu lu la sublime histoire dans un jaune missel? Mais où l'a retrouvée quand elle s'est perdue, cette humble foi du cœur qu'un ange a suspendue en palme à nos berceaux, qu'une mère a nourrie en nous d'un zèle immense, dont chaque jour un prêtre arrosait la semence au bord des saints ruisseaux? Peut-elle refleurir lorsqu'a soufflé l'orage, et quand nos cœurs l'orgueil, debout, a dans sa rage mis le pied sur l'autel? On est bien faible alors, quand le malheur arrive. Et la mort, faut-il donc que l'idée en survive au vœu d'être immortel? J'ai vu mourir, hélas, ma bonne vieille tante, l'an dernier, sur son lit, sans voix et haletante, elle resta 3 jours et trépassa. J'étais près d'elle dans l'alcôve, j'étais près d'elle encore, quand sur sa tête chauve le linceul fit 3 tours. Le cercueil arriva, qu'on mesura de l'aune, j'étais là. Puis, autour, des cierges brûlaient, jaunes, des prêtres priaient bas. Mais en vain je voulais dire l'hymne dernière. Mon œil était sans larmes et ma voix sans prière, car je ne croyais pas. Elle m'aimait pourtant, et ma mère aussi m'aime, et ma mère à son tour mourra. Bientôt moi-même, dans le jaune linceul, je l'ensevelirai, je clouerai sous la lame ce corps flétri, mes chairs, ce reste de mon âme. Alors je serai seul, seul, sans mère, sans sœur, sans frère et sans épouse. Car qui voudrait m'aimer, et quelle main jalouse s'unirait à ma main? Mais déjà le soleil recule devant l'ombre, et les rayons qu'il lance à mon rideau plus sombre s'éteignent en chemin. Non, jamais à mon nom ma jeune fiancée ne rougira d'amour, rêvant dans sa pensée au jeune époux absent. Jamais 2 enfants purs, 2 anges de promesse, ne tiendront suspendus sur moi, durant la messe, le poil jaunissant. Non, jamais, quand la mort m'étendra sur ma couche, mon front ne sentira le baiser d'une bouche, ni mon œil obscurci n'entreverra l'adieu d'une lèvre mi-close. Jamais sur mon tombeau ne jaunira la rose, ni le jaune souci. Ainsi va ma pensée, et la nuit est venue. Je descends, et bientôt, dans la foule inconnue, j'ai noyé mon chagrin. Plus d'un bras me coudoie. On entre à la guinguette, on sort du cabaret. L'invalide, en goguette, chevrotte un gai refrain. Ce ne sont que chansons, clameurs, rixes d'ivrogne, ou qu'amours en plein air, et baisers sans vergogne, et publique faveur. Je rentre. Sur ma route, on se presse, on se rue. Toute la nuit, j'entends se traîner dans ma rue et hurler les buveurs. Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme, 1829.